bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 86.0, un Lobster matinal. Je suis en train de faire l'enregistrement à 6h du matin, ce dimanche 22 novembre. Et pourquoi je suis réveillé si tôt? Eh bien, c'est simplement que je viens d'aller porter mon plus vieux garçon au travail. Il travaille toujours chez McDo et fait toujours les chiffres du samedi et dimanche de 6h AM à 2h PM. Donc, on se lève tôt le week-end. Mais, habituellement, je me recouche et je me rendors en moins de 5 minutes. Mais souvent, je perds une partie de ma journée en dormant jusqu'à 10 heures. Et aujourd'hui, j'ai le goût de faire de la poterie et je voulais pas me recoucher. J'enregistre l'émission et ensuite, je vais m'asseoir au garage sur mon tour à poterie pour faire des bols et autres objets. Il y a 2 semaines environ, j'ai une amie qui est venue passer le week-end chez moi et elle m'a montré comment bien utiliser mon tour à poterie. Comme elle a suivi des cours, elle connaissait les techniques. En premier, il faut bien préparer la terre. Il y a une méthode pour rouler ou plier l'argile sur elle-même pour retirer les bulles d'air. Ensuite, plein d'autres petits détails tout au long du processus. Donc c'est ça, grâce à mon ami, je comprends maintenant le processus. On a aussi fait des assiettes par simple modelage. J'avais fait préalablement des formes d'assiettes, de bols et de tasses en ciment. Et juste en roulant l'argile, on peut la déposer sur mes moules et la retravailler quand c'est rendu comme du cuir. Bref, je suis dans une pause poterie en ce moment. Sur ce, je vous souhaite un bon lobster. Cette semaine, en fin de lobster, une belle surprise. Pour ceux qui aiment les aventures de Tintin, je vous joins l'enregistrement des bijoux de la Castafiore enregistré par France Culture. J'ai quasiment terminé de l'écouter hier soir dans mon lit. C'est vraiment bien fait. C'est une version 2020 faite en collaboration avec France Culture, la Comédie Française et l'Orchestre National de France. Donc, rien ne vous obligera à l'écouter. Je vous le mets en fin de podcast. Ça dure 1 heure environ et je ne ferai pas d'autres interventions une fois lancé. C'est un bonus à écouter avec vos enfants. Sachez aussi qu'il existe 4 autres livres radio de Tintin enregistrés par France Culture. Il y a le Lotus Bleu, les 7 boules de cristal, les cigares du Pharaon, le Temple du Soleil et ces bijoux de la Castafiore que je vous mettrai en fin de l'obsort. Donc, pour l'instant, je vous souhaite simplement un bon lobster! L'aventure dont vous êtes le héros. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Magique. Explorez le monde d'Hyrule. Découvrez ses secrets. Plongez dans l'aventure. Sauvez la princesse. Zelda ! Zelda ! Zelda ! La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Et la légende de Zelda, faut le dire, était bien amusante. Pourquoi je vous parle de Zelda? C'est que je suis dans l'achat de mes cadeaux de Noël. Et hier, en regardant un petit peu à ça, je suis tombé sur ce qui est devenu le cadeau de Noël d'un de mes garçons. J'ai vu que le jeu Hyrule Warrior Age of Calamity sur Nintendo Switch vient de sortir. Et c'est quoi ce jeu? Le jeu, ça dit « Découvrez Hyrule 100 ans avant le jeu Legend of Zelda Breath of the Wild et vivez les événements de la Grande Calamité. Rejoignez la lutte qui a mis Hyrule à genoux. Apprenez en plus sur Zelda, les 4 champions, le roi d'Hyrule et plus encore à travers des cinématiques dramatiques alors qu'ils tentent de sauver leur royaume de Calamité. Le jeu Hyrule Warrior Age of Calamity est le seul moyen de voir de première main ce qui s'est passé il y a 100 ans. » Et qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? On combat des hordes d'ennemis les plus redoutables d'Hyrule. Des barbares bokoblins aux imposants linelles, des monstres menaçants qui ont émergé en masse. En plus de Link et Zelda, prenez le contrôle de personnages comme les 4 champions et un jeune Impa. Utilisez leurs capacités distinctes pour percer des centaines d'ennemis pour sauver Hyrule de la calamité imminente. Ce jeu vient juste de sortir le 20 novembre, ce qui est une bonne stratégie de vente comme ça juste avant Noël. Le jeu, lui, est bien classé d'après les sites que j'ai visités. Les joueurs lui donnent une bonne note. Et habituellement, avec cette franchise de Zelda, on ne se trompe pas. Donc, ma copie est dans la poche, je devrais la recevoir bientôt. Et comme je vous l'avais déjà indiqué, je crois maintenant, il ne faut pas se surprendre, le nouveau prix pour ces jeux est un prix de 79,99 plus taxes, prix qui est la nouvelle norme pour les meilleurs jeux ou meilleures franchises. Parlant toujours de jeux, je ne sais pas si certains d'entre vous jouent à Pokémon Go. Moi oui, je m'y suis lancé à plein. Avant, seulement mes enfants jouaient et je les accompagnais. Maintenant que j'ai un téléphone avec du réseau pour y jouer, je ne fais plus que les accompagner, c'est moi qui les incite à venir jouer avec moi. J'ai commencé à jouer, moi, officiellement le 29 octobre et je suis maintenant niveau 27, sur une possibilité de 40. Mais, nouveauté, le jeu évolue. À partir du 30 novembre 2020 et jusqu'à la fin de l'année, vont ainsi débarquer via des mises à jour le niveau 50, les Pokémon saisonniers et l'apparition des Pokémon de la région de Kalos, des Pokémon de 6e génération. Bon, tout d'abord, le niveau 50, qu'est-ce qu'on en dit? Cette fois, l'XP ne sera pas la seule chose nécessaire pour passer les derniers niveaux. Le passage de niveau entre les niveaux 40 et 50 prendra désormais la forme de recherche de niveaux avec des tâches assez exigeantes. Le passage des niveaux précédents n'est pas impacté par ce changement et lui ne nécessitera toujours que de cumuler de l'XP. Mais pour les niveaux 41 à 50, il sera notamment demandé d'obtenir pour le passage de certains niveaux plusieurs médailles platine, un nouveau rang de médailles qui viendra après bronze, argent et or. Par exemple, pour le niveau 41, il faudra 6 millions d'XP et il faudra accomplir les tâches suivantes. 1. Recharger un Pokémon légendaire 20 fois. Deuxièmement, gagner 30 raids. Ensuite, attraper 200 Pokémon en une seule journée. Et finalement, gagner 5 médailles platine. Donc ça, c'est pour les niveaux 41. Et plus ça monte, plus c'est difficile. Autre nouveauté dans le jeu, en ce moment, tout est double XP. Donc, du 18 novembre jusqu'au 30 décembre, les points d'expérience sont doublés pour permettre à ceux qui sont proches du niveau 40 de l'atteindre. Car ceux qui seront niveau 40 avant le 31 décembre 23h59 seront récompensés par une étude exclusive qui leur permettra d'obtenir un chapeau Léviator, une médaille spéciale et un titre spécial, comme de quoi ils étaient déjà niveau 40 avant l'arrivée des niveaux 41 à 50. Ensuite, quoi d'autre? Il y a les nouveaux bonbons qui arrivent dans le jeu. Ce sont des bonbons XL pour recharger les points de combat des Pokémon qui sont déjà niveau 40. Autre nouveauté, l'arrivée des Pokémon de 6e génération qui apparaîtront à partir du 2 décembre 2020. Ils seront relâchés sporadiquement au fil du temps. Évidemment, un événement est prévu le 2 décembre et on indique qu'un Pokémon mystérieux pourra être obtenu dans les œufs de Red une étoile. Et finalement, autre nouveauté, les saisons. Tous les 3 mois, une nouvelle saison impactera le jeu. Et voilà! C'est le genre de nouveauté à s'attendre dans Pokémon Go. Pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu et se demandent de quoi je parle, je vous invite à l'installer sur votre téléphone et à le découvrir tout simplement. Mais attention, on y devient accro assez rapidement. Mais cela vous permettra de comprendre ce que font tous ces jeunes dans les parcs de votre ville à marcher d'un endroit à l'autre en lançant des Pokéballs à l'aide de leur téléphone. les femmes de chambre échappent à la justice. Moi j'habite un pays où le racisme est roi, où les communautés, où ils sont montrés du doigt, où la misère est reine et gagne du terrain. Le FN en profite et crache son venin. Ce pays c'est la France, c'est la France. Ce pays c'est la France, c'est la France. J'habite la douce France, douce France. Pays de mon enfance, mon enfance. Ce pays c'est la France, jadis la douce France, ce pays c'est la France, ce pays c'est la France, jadis la douce France, pays de mon enfance, mon enfance, mon enfance, où c'est la France. Appelez-moi par mon nom, je vous prie. Et quel est votre nom, monsieur ? Je suis le capitaine Nemo. Vous avez découvert un secret que nul homme sur Terre ne pourra connaître. Le saviez-vous ? Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, l'homme n'a exploré que 5% des océans, alors qu'il recouvre plus de 70% de notre belle planète. Et en lien avec cette affirmation, je veux vous parler d'un projet ambitieux. C'est un article dans la revue Science et Vie, un article trop court et incomplet qui m'a mis sur la piste de ce projet ambitieux. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur les internets avant de vous en parler. On parle ici du projet Proteus. En digne successeur de son grand-père, Fabien Cousteau est actuellement à la recherche de financement pour réaliser un rêve de longue date. Créer un équivalent de la Station spatiale internationale, mais sous l'eau. Rappelons pour l'histoire que son grand-père avait aidé à développer le premier habitat du genre en 1962, un habitat de deux places situé à 33 pieds sous l'eau, immergé près des côtes de Marseille. Donc, ce nouveau projet, qu'on peut qualifier d'ambitieux, s'appelle Proteus, en référence à une divinité marine de la mythologie grecque. Proteus, en fait, c'est le vieillard de la mer et gardien des troupeaux de phoques de Poséidon, selon la légende. De retour à notre projet. C'est quoi ce projet? Eh bien, ça consiste en une base sous-marine située à 20 mètres de profondeur dans la mer des Caraïbes et serait destinée à accueillir sur de longues périodes une douzaine d'aquanautes. Si Fabien Cousteau réussit à réunir les 135 millions de dollars nécessaires, ce projet pourrait se concrétiser en 2023. Fabien Cousteau, petit-fils du célèbre commandant Cousteau et de sa célèbre Calypso, est un explorateur océanique français qui vit maintenant aux États-Unis où il dirige le Cousteau Ocean Learning Center, une organisation non gouvernementale qui lutte pour la sauvegarde des océans. Donc son projet, le concept d'une base sous-marine n'est pas nouveau puisque l'Aquarius Reef Base, située au large des côtes de la Floride, existe depuis 1987. Donc ça, c'est une base sous-marine qui est déjà à 60 pieds sous l'eau. Et en 2014, Fabien Cousteau avait réalisé des études à cette base-là. C'est peut-être ça qui lui a donné le goût de partir son projet. Mais son projet Proteus, lui, est plus ambitieux. En collaboration avec le designer industriel Yves Béard, Fabien Cousteau a imaginé une structure à l'aspect futuriste. Proteus aurait une superficie de 370 mètres carrés et serait modulable. Des capsules pourraient, si besoin, s'ajouter à la structure principale. Donc, ce serait comme une grosse maison qu'on peut grossir avec des morceaux. La base contiendrait au minimum une cuisine, une salle de bain, des chambres, une infirmerie, un laboratoire de recherche océanographique, un studio vidéo et une serre hydroponique. On pourrait y vivre jusqu'à 12 en même temps. Il y aurait des câbles entre la station et la surface qui permettraient aux aquanautes d'être alimentés en oxygène et de bénéficier d'une connexion Internet, tandis que l'énergie thermique des courants marins leur fournirait de l'électricité et de l'eau potable. Le fonctionnement de la station coûterait environ 3 millions d'euros par an. Cette somme serait fournie par les chercheurs, entreprises et universités qui paieraient la location de l'infrastructure pour y réaliser leurs expériences scientifiques. Et quel est l'objectif derrière tout ça? L'intérêt de cette station est en effet d'allonger la durée des missions sous l'eau, pour faire plus de recherches et de découvertes possibles. Les missions des aquanautes seraient centrées sur l'étude des effets du changement climatique sur le milieu aquatique et sur l'amélioration de l'exploitation des énergies bleues, c'est-à-dire les énergies marines renouvelables. Selon Fabien, l'exploration océanique est mille fois plus importante que l'exploration spatiale pour la survie de l'espèce humaine pour notre futur. L'océan est la raison pour laquelle nous existons. C'est ce qui nous maintient en vie, selon lui. Voilà, c'est un projet que je trouvais intéressant. Et quel est l'avancement ou le statut de ce projet? Tout ce que je peux lire pour l'instant, c'est qu'il ramasse l'argent pour démarrer la construction. Donc, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas et que ça reste à l'état de projet. Mais comme c'est toujours intéressant de rêver, je trouvais pertinent de vous en parler. Et si jamais ça marche, ça pourra devenir un endroit intéressant où interner Donald Trump qui refuse toujours de concéder la victoire. Sur ce, je vous laisse pour la fin du Lobster, encore un peu de musique de Kaamelott, et pour ceux qui ont le goût, eh bien, suivra les aventures radiophoniques de Tintin. Sur ce, bonne semaine. Il était évident que le capitaine Nemo avait découvert ce que les hommes cherchaient depuis toujours, le véritable pouvoir dynamique de l'univers. Ce secret à lui seul lui conférait la maîtrise des mers. C'est énorme, ça dépasse l'entendement. Comment un être a-t-il pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis? Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde. Ou à le détruire. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Avec un détachement apparent, le capitaine Nemo détenait la clé de l'avenir du monde. À mesure que je l'étudiais, je prenais conscience que cet homme étrange était habité par des forces gigantesques. Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout y règnent aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Mais à 20 pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. J'y suis libre. Imaginez ce que l'homme ferait s'il contrôlait des machines telles que ce submersible. Il vaut mieux que l'on croit encore aux monstres qu'on chasse aux harpons. déjà? Je suis désolé, j'arrive pas à me rappeler. On attend que l'espion revienne. L'espion, c'est le mec qu'on a envoyé là-bas? Voilà. C'est celui à qui vous avez bourré le mou pendant tout le trajet en lui demandant son métier. Ah, c'est pour ça qu'il me disait espion. Bah oui, parce qu'il est espion. D'accord, ça y est, ça rentre. Eh ben, c'est pas dommage. L'espion, c'est bon, je situe. Mais là, on attend quoi? Croyez pas qu'il s'est fait repérer, votre espion? Il paraît que c'est un as. Je saurais pas quoi vous dire, moi. Trois quarts d'heure pour faire un rapport d'observation. Peut-être qu'il prend son temps. Si ça peut nous éviter de nous faire fumer, c'est pas moi qui vais le blâmer. Mais je croyais qu'il y était pas, Lancelot, dans son camp. Non, d'après ce qu'on sait, il y est pas. Alors après, il y a deux genres. Il a pris ses hommes et le camp est désert, et il les a pas pris et le camp est plein à ras-bord. Justement, on va se faire attendre le retour de l'espion plutôt que de partir à l'aveuglette. Ah, attendez. D'habitude, les espions, ils sont avec les ennemis, ils viennent chez nous pour regarder ce qu'on fait. Tandis que celui-là, il travaille pour nous et il est parti chez les ennemis. C'est tout inversé. Du coup, c'est pas ça qu'on appelle un contre-espion? Non mais honnêtement, vous voyez bien qu'il s'est fait serrer. Et non, un as, je vous dis. Indétectable. Écoutez, franchement, si j'étais un espion, je vous le dirais. Mais vous êtes quoi, si vous n'êtes pas un espion? Mais je vous ai dit, un marchand de passage. Oui, mais le passage, il est interdit. Ici, maintenant, ce sont les terres du seigneur Lancelot. Toutes les routes sont déviées. Si c'est un marchand, où quelle est sa marchandise? De quoi? De quoi? Excusez ma curiosité, mais vous vendez quoi, au juste? Je vends... des bêtes. Des bêtes? Quelles bêtes? Ah bah, toutes sortes de bêtes. Je vais pas commencer à restreindre mon activité. Et elles sont où, ces bêtes? Je les ai vendues, puisque je suis marchand. Vous les avez vendues où? En pleine forêt? Non. Au marché. Ah, ça vous la coupe, ça, hein? Ce qui me la coupe, c'est que vous vendiez des bêtes au marché aux œufs. Au marché au quoi? Aux œufs. Là d'où vous venez, c'est le marché aux œufs. Bon, il y en a bien deux, trois qui vendent du lait, mais dans l'ensemble, c'est des œufs. Eh ben, s'il y en a qui vendent du lait, je vois pas pourquoi je pourrais pas vendre des bêtes. Vous êtes sûr que vous êtes pas un espion? Il voudrait mieux le dire, on serait fixé. Ça nous ferait gagner un temps considérable. Marchand. Bon, allez, on rentre, j'en ai marre, moi. Oh, mais zut, là, c'est pas possible, ça, toujours un peu de travers. Je vais pas dormir dans un bosquet, si. Mais foutez-moi la paix, nom d'un chien, j'attends mon espion. Eh ben, votre espion, si vous le croisez, vous pouvez lui dire de ma part que... Et attendez, si les ennemis gardent notre espion, ils nous en renvoient un de chez eux, pour regarder ce qu'on fait. Ben, ça serait un bi-contre-espion. Vous allez pas me retenir prisonnier, on m'attend. On vous attend, mais où? Ben, là-bas, sur le sentier. Mais je croyais que vous étiez tout seul. Oui, je suis seul avec mes... amis marchands de bêtes. Vos amis marchands de bêtes? Et avec vos potes marchands de bêtes, vous avez rien trouvé de mieux qu'aller vendre des bêtes au marché aux œufs. Vous m'avez l'air d'une sacrée bande de flèches, hein? On essaie de faire correctement notre métier. Alors oui, on bouscule quelques habitudes. Seulement si un jour les paysans bretons peuvent vendre des bêtes au marché aux œufs, eh ben ça sera grâce à nous. Bilan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bilan? Oh, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On va faire le point sur ce qu'ils ont foutu en garnison, puis comment ils se sont démerdés, voilà. Ben, encore une fois, on va pas être mis à l'honneur. Hein. Pourquoi pas? Oh, ben, dans l'intitulé, il n'y a pas de quoi rougir. Les chevaliers Yvain et Gauvin ont réussi leur mission de surveillance en poste avancé. Ils ont réussi, il n'y a pas eu de tentative d'invasion. Parce que j'aime autant vous dire que s'il y en avait eu. Oui, mais il n'y en a pas eu. Donc, d'un point de vue militaire, la mission est un succès, point barre. Peut-être, mais d'un point de vue personnel... Oh, bah, alors, d'un point de vue personnel, moi j'étais sûr qu'ils reviendraient crever. Ils sont vivants. C'est un succès. Mieux. Une surprise. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a tant à dire finalement? Ils ont réussi leur mission, point. Merci mon chien. Il faut leur trouver leur mission d'après, j'en pense qu'on glande à faire des bilans là. Bah, ouais, enfin, quand même, quand on dit ils ont réussi leur mission... Eh ouais, mission accomplie. Le petit chien est sur la pente fatale. De quoi? Ouais, c'est du code. Un code que nous avons mis au point pendant notre séjour en garnison. Et qu'est-ce que ça veut dire, le petit chien, machin truc? Bah, mission accomplie. Ouais, enfin, moi je veux bien mission accomplie, mais s'il n'y a pas d'attaque, comment est-ce que je fais pour mesurer votre efficacité? Eh ben, vous avez qu'à les renvoyer là-bas, puis on les attaque, nous. Oh non, mon oncle, vous allez pas nous renvoyer là-bas. Ouais, non, en plus, c'est hyper loin, c'est trop pourri. Non, mais je vous mets ailleurs si vous voulez, mais en surveillance de quelque chose. Je suis désolé, je vous confie pas de troupe, c'est trop risqué. Et où voulez-vous nous affecter, mon oncle? Tout ça? Un truc qui pète un peu? Il y a de l'action? Ouais? Dites? Non. Juste une chose. Non, on va se faire tuer. L'endroit est désert, personne ne nous entend. Bon ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pensez-vous que nous occupions un poste de prestige? Où ça, à la table ronde? Non, ici. Bah, c'est un peu ce que je me demandais, en fait. Parce que, honnêtement, à table ronde, je pense, ouais. Ouais, ça me semble probable, mais quid de cette nouvelle affectation? Bah, d'un côté, on nous voit quand même vachement bien. Mettons qu'il y ait des visiteurs, c'est quand même sur nous qui tombe en premier. Oui, mais d'un autre côté, en cas d'invasion, le poste est mal placé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me semble que nous serions dangereusement exposés. Ah oui, non, mais si y a une invasion, on rentre. Oui, mais ne faut-il pas dire une phrase pour quitter notre poste? Bah si, c'est... halte au grabuge. Non. Non, c'est halte... Halte qui? Halte quel que soit votre âge. Oh, peste, pas moyen de m'en souvenir, non, c'est... Non, c'est une phrase qui interdit aux gens d'entrer. Eh ben, halte au grabuge, ça marche. Ou alors, halte nom d'un chien. Halte! Veuillez rester distant. Halte, disposez, moussaillon! Halte au passage. Oh non, attendez, moi j'en ai marre, je piche plus rien. Non mais si, c'est ça. Ah non, mais il sort, lui, super. Ah non, mais c'est bon, on y livrera nous-mêmes, on a aucune explication, génial, quoi. Bah, je suis désolé, mais on nous a dit de stopper tous ceux qui essayent d'approcher la porte. Ouais, non, mais ça m'énerve. Lui, il s'éloigne avant qu'on nous dise des trucs. Super, ça m'énerve trop. Bon, bah, non mais c'est bon. Bon, c'est bon, allez-y, sacripant. Et à votre retour, n'escomptez pas approcher la porte à votre convenance. Ça va? Ouais, excusez-moi. C'est bon, je suis trop gavé. Merci d'avoir synchronisé le Lobster pour écouter les aventures radiophoniques de Tintin. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute des bijoux de la Castafiore. Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les bijoux de la Castafiore. Premier épisode. La nature dans toute la fraîcheur du renouveau. Le gazouillis des oiseaux, ces fleurs des bois et ces parfums, cette bonne odeur d'humus. Respirez à fond, Tintin. Emplissez vos poumons de cet air pur et vivifiant, si fin, si léger, si pétillant qu'on a envie de le boire. À vrai dire, comme parfum, cela ne ressemble pas précisément à celui du muguet. Tiens, c'est vrai. Ah, mais voilà, nous côtoyons cet infect champ d'épandage où l'on déverse tous les détritus, résidus et fonds de poubelle de la région. Eh, ma parole, il y a des gens qui semblent attirés par cette puanteur, c'est incroyable. Des Romanichels? Aucun sens de l'hygiène, ces oives-là. C'est inouï. Venez, Tintin, coupons à travers bois. D'accord, capitaine. «

Milou, ici, Milou. Halt! Arrêtez! Qui êtes-vous? La brèche. On passe par la brèche du mur. Une auto. Qu'est-ce que cela signifie? Et que faire? En parler au capitaine? Non, il ne vaut mieux pas. Le pauvre a déjà assez de soucis comme ça. Allô? Allô? Allô, j'écoute? Mes bijoux? Et mes bijoux, Irma, je les enferme dans ce tiroir. Et la clé de ce tiroir, je la cache dans les vases qui se trouvent sur son meuble. Faites un effort pour vous en souvenir, ma fille. Madame, je voulais juste vous prévenir que je vais me promener dans le parc. Bah, faites, mon ami, faites. Vous n'avez pas besoin de mon autorisation. Ah, et voilà, capitaine. Romain et Michel sont installés et enchantés de leur nouveau campement. Ah, j'en suis heureux. Allô, j'écoute. Oh, ce perroquet. Il finira par me rendre fou. Heureusement, c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Comme ça, au moins, j'en serai débarrassé pour toute la nuit. Et cette nuit-là... Je vais voir. Mais il n'y a rien, madame. Absolument rien. Et pourtant, j'ai vu un monstre, je vous dis. Un fantôme. Je ne sais pas, moi. J'ai entendu un long cri lugubre. Et j'ai vu deux yeux qui brillaient comme... Comme des diables. Mais c'est un oiseau de nuit, chouette ou hibou, tout simplement. Vous êtes sourd. C'est pas au plafond. Des pas au plafond? Oui, j'ai entendu marcher à l'étage supérieur les pas d'un homme, sans aucun doute. Impossible, madame. Ici, au-dessus, c'est le grenier et personne n'habite là. Et pourtant, je vous assure que j'ai entendu. Et soyez sans crainte, madame. Endormez-vous paisiblement. Et refermez votre fenêtre pour être tout à fait tranquille. Le lendemain matin. Allons quand même jeter un coup d'œil sous les fenêtres de Madame Castafiore. Voilà, c'est ici. Tiens. Des empreintes de pas, juste sous ses fenêtres. Toute son histoire serait quand même vraie. Et ce lierre qui recouvre le mur. Non. Il ne supporterait pas le poids d'un homme. D'un enfant, peut-être. Mais même alors, il y aurait des traces d'escalade. Et puis d'ailleurs, ces empreintes sont certainement celles d'un adulte. Mais de quel adulte? Voilà, Loïc. Quelqu'un du château? Un des deux mystérieux bonshommes que j'ai aperçus hier? Un Romain Michel? Viens, Milou, nous allons faire un tour du côté des bohémiens. s'il y a des traces, c'est dans la boue qu'on les verra le mieux. Donc, à l'endroit où ils abreuvent leurs chevaux. Non. Rien qui ressemble à celle de tout à l'heure. Mais... qui a jeté cette pierre? Rien ni personne à l'horizon. Allons-nous-en, Milou. Ce n'est pas en restant ici que nous saurons qui nous a fait cette farce. Le voilà parti. Il n'a pas demandé son reste, ce petit morveux. Je n'aime pas du tout ses façons de venir rôder autour de nous. Tiens, tiens, c'est ce type-là qui a lancé une pierre dans l'eau. Mais pourquoi? De toute manière, ne nous voilà guère avancés. Allons, Milou, nous rentrons. Ça, c'est le docteur qui s'en va. Il sera venu pour le plâtre du capitaine. Mais à qui diable est cette autre voiture? Nous allons voir. Ah tiens, bonjour monsieur Lampion. Salut, galopin. Je passais par ici, un client à voir dans les environs, alors je me suis dit, Séraphin, c'est l'occasion de serrer la pince à ce vieux pirate. Et voilà comment je le trouve, ce satané farceur. Bon, excellent, le coup de la marche. C'est tordant. Si vous le dites. En tout cas, j'ai bien fait de venir. Une vraie providence, ce brave Séraphin Lampion. Car madame, là, me racontait ce qui s'était passé cette nuit. Et savez-vous ce que j'apprends? Non? Alors, tenez-vous à la rampe. Je vous écoute. Eh ben, ces bijoux, ces fameux bijoux, ne sont même pas assurés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est plus fort que midable, hein? Pas vrai? Il y en a pour des millions, paraît-il. Il y a là-dedans une chose, une émeraude qui lui a été offerte aux Indes par un truc, un maharaja chouette. Maharaja, le maharaja de Gopal. C'est ça. Et ce bazar-là vaut à lui seul une fortune. C'est fou ce que ça rapporte de chanter, hein? On croirait pas. Eh, notez que je suis pas contre la musique, mais franchement, là, dans la journée, je préfère un bon demi. Bref, ces bijoux ne sont pas assurés. Alors, moi, j'ai dit à madame, faites-moi une liste de toute votre quincaillerie. J'ai réfléchirai, monsieur Lanterre. C'est tout réfléchi. Je reviendrai dans quelques jours avec un projet de contrat. Allons, au revoir, Duchesse. Au plaisir. Au revoir. Et toi, vieille noix, si j'étais à ta place, je ferais réparer cette marche au plus vite. Hein. Figurez-vous que j'y ai songé et que j'attends le marbrier. D'ailleurs, c'est probablement lui qui sonne. Adoc, c'est ici? Adoc, oui, c'est ici. C'est pourquoi? Nous venons livrer le piano. Le piano? Le piano? Le piano? Quel piano? Ah! Oui, le piano. C'est moi qui ai commandé un piano de location pour répéter avec Monsieur Wagner. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Pas le moins du monde. Au contraire. Eh bien, dans ce cas, si on le mettait ici au salon, ça vous fera une petite distraction. Merci, mais la salle de marine conviendra mieux. Vous y serez plus à l'aise. Très bien. Monsieur Wagner, voulez-vous vous en occuper? Volontiers, signora. Un piano mille sabords. Pourquoi pas un jukebox? C'est pour vous, ce piano qui vient d'arriver? Oui, oui. Excusez-moi, mais je vois que votre lacet est dénoué. Tiens, oui. Merci. Mais ces chaussures, on dirait la même semelle que celle qui a laissé des traces sous la fenêtre de Madame Castafiore. Bizarre. Ah, ce perroquet! Ah, non, c'est le téléphone cette fois. Allô, oui? C'est moi-même. L'hebdomadaire Paris Flash? Pardon? Allô, j'écoute. Comment? Une interview? Ah, je suis très flatté. Volontiers. Ah, une interview de Madame Castafiore. Je suis désolé, monsieur, mais Madame Castafiore m'a chargé de... Permettez. Allô, j'écoute. Paris Flash. Oui, c'est moi-même. Oui. Une interview? Mais très volontiers, avec joie. Quand vous voulez, demain. Mais c'est parfait. C'est cela. À demain. Ciao. Ces journalistes, quelle angoisse. Impossible de les éviter. Enfin, que voulez-vous? C'est la rançon de la gloire. Mais vous m'aviez pourtant dit pas d'interview. Oh, rien. Non, Paris Flash, c'est Paris Flash, vous comprenez. Ce n'est pas comme les gens du Tempo di Roma. Si Goujat m'a un jour manqué de respect, et plus jamais, je ne les recevrai. Et maintenant, je vais répéter avec Wagner. À tout à l'heure. Ah, je mets Coco à côté de vous. Eh bien, ça promet d'être gai. En effet. Allô, j'écoute. J'écoute. Non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. Non, madame, vous avez formé un faux numéro. Mais vas-tu la boucler ou non, espèce de vieille perruche bavarde? Inutile de crier comme ça, monsieur. Ni surtout de m'insulter. Tout le monde peut se tromper, non? Vous êtes un mufle, monsieur. Mais je ne vous insulte pas, espèce de catacrèse. Je parlais à un perroquet qui... Allô? Allô? Un milliard de mille sabords, je ne sais pas ce qui me retient de... Ah! Ah! Ah, mon nez! Ah! Ah, ce perroquet! Noyez le Tintin, empaillez-le, ou je fais un malheur! Je vais l'éloigner. Ah! Ah! Voilà. Je l'ai mis dans le couloir, elle vous embêtera moins. Tintin, au nom du ciel, faites quelque chose pour moi. Commandez-moi une de ces petites voitures pour invalides, que je puisse au moins sortir me promener. Sinon, je sens que je vais devenir complètement fou. D'accord, capitaine. Ah, saute. Elle fait des vocalises à présent. Il faut attendre. Le lendemain matin. Oui, je sais. Il faut pas m'en vouloir. J'ai dû terminer une pierre tombale, c'était urgent. Oui, chez vous aussi, c'est urgent, je sais. Écoutez, je serai là demain matin à la toute première heure. Oui, sans aucune faute. S'il ne vient pas demain, je m'adresse à un autre, qu'il se le tienne pour dit. Capitaine ! Capitaine ! Quoi ? Voici votre nouvelle voiture de course. À nous la liberté ! Soyez prudent, capitaine ! Ah, enfin le silence. Ah, et voilà ce cher tournesol qui taille ses rosiers. Bonjour, mon cher Trifon. Déjà au travail ce matin? Très bien, merci. Et vous-même, ce petit bobo? Bah, on s'y fait. Et puis, il suffit de se dire qu'on aurait pu se casser une jambe. Pas vrai? Frais? À l'ombre, peut-être. Mais au soleil, il fait déjà chaud. Figurez-vous, mon cher ami, mais ceci strictement entre nous, que je suis parvenu à créer une nouvelle variété de roses. Oh, bravo! Magnifique! Ça vaut mieux que de chercher à faire sauter la planète. Non, blanche. Mais alors, d'un blanc idéal, éclatant, immaculé. Et leur forme, parfaite. Et quel parfum, exquis. Eh bien, professeur, toutes mes félicitations. Ah, leur nom. Bien crié. C'est là que je vous attendais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai eu, je crois pouvoir le dire, une idée de génie. Halte! Arrêtez! Qui êtes-vous? Tu avais bien besoin de mettre les pieds sous le dîner guêpe. La rose que j'ai créée est blanche, je vous l'ai signalé. Or, comment dit-on blanche en italien? Bianca, tout bonnement. Bianca, hein? Vous avez saisi. Bianca, Bianca, qu'est-ce que c'était que ces zèbres qui ont détalé comme des lapins? Mais oui, Bianca, comme notre charmante invitée. Cette rose s'appellera Bianca Castafiore. Délicate attention, ne trouvez-vous pas, capitaine? Je me demande ce qu'ils fichaient là, ces gaillards. Alors, surtout, n'en faites rien. Je vous en prie, pas un mot, pas une allusion. C'est une surprise que je veux lui faire. Quoi? Comment? Quelle surprise? À qui? C'est entendu, n'est-ce pas? Je compte sur votre discrétion. Oh. Tout ceci doit rester strictement entre nous. Si seulement je n'étais pas coincé dans ce satané fauteuil. Des inconnus dans le parc. Qu'est-ce que cela signifie? Tiens, mais qui est là sur ce banc? Ah, je vois, c'est... Mirbeau! Mirbeau! Oui, madame? Où êtes-vous, Mirbeau? Ici, madame, j'arrive. Sauf qu'il peut. Il va te n'est pas vous le capitaine Amon. Il faut absolument que je le trouve. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Vite, cachons-nous derrière ce buisson. Si vous le voyez, dites-lui que ces messieurs de Paris Flash ont terminé leur interview et qu'ils seraient heureux de pouvoir les saluer. Bien, madame. Catastrophe. Ils viennent de ce côté, mille sabords. Je suis fait comme un rat. Vous savez, c'est le vieux loup des mers, un peu bourreau au premier abord, mais qui cache sous cette roue de corse un homme simple, de grand enfant, un peu naïf. Les voilà, endormis. Et à l'ombre encore bien. Capitaine Colbach. L'imprudent qui s'endort à l'ombre. Vous serez bien avancé lorsque vous aurez attrapé un refroidissement. Qui... Oh, je dormais, je crois. D'ailleurs, je vous ai apporté votre veston. Il fait frais ce matin. Si. Mais... Je n'ai pas froid, moi. Et puis, il faut que je vous gronde encore. Un chandail, ce n'est pas une tenue pour un homme de votre âge, voyons. Mais... C'est comme vos cheveux. Quand donc apprendrez-vous à vous coiffer convenablement au lieu d'essayer de singer la nouvelle vague? Mais... Permettez-moi de vous présenter Jean-Loup de la Batellerie et le photographe Walter Rizzotto, de Paris Flash. Enchanté. Enchanté. Eh bien, messieurs, maintenant que les présentations sont faites, je vous rends votre liberté. Promenez-vous sous les frondaisons du parc. Le capitaine Carbock et moi, nous vous attendrons pour le déjeuner. Très bien, madame. Quant à nous, chère, si nous causions... Dis donc, mon vieux, qu'en penses-tu? La même chose que toi, Coco. Ça ferait un papier sans sas. Mais il faudrait qu'on soit sûr. De toute façon, mon Coco, c'est un truc qui se vendrait. Moi, je verrais même ça en couverture. Oh, là! Un jardinier. Bien, nous allons essayer de lui tirer les vers du nez. Doc. Mais, ce jardinier, c'est le professeur Tournesol. Celui qui a été sur la lune avec Tintin. Il doit être dans le secret, lui. Certainement. Bonjour, professeur. Permettez-nous de nous présenter Jean-Loup de la Batellerie et Walter Rizzotto de Paris Flash. Bonjour. Voici notre carte. De la tarte? Non, je disais notre carte. Tenez. Oh, des journalistes. Dites-moi, professeur, entre nous... N'y aurait-il pas anguille sous roche du côté de la Castafiore et du capitaine Haddock? Projet de mariage, par exemple? C'est le capitaine qui vous a mis au courant, n'est-ce pas? Oui et non. Vous savez, nous autres journalistes, le flair, vous comprenez? Ainsi, c'est donc bien vrai? Ça plaît à les popettes. Il avait pourtant promis de ne rien dire. Cela devait être une surprise. Oui, je comprends. Et c'est pour bientôt, le grand jour? Tout dépend du temps. Mais... Je pense que d'ici trois bonnes semaines... Oh, c'est donc tout proche. Et y a-t-il longtemps que la chose est décidée? N'avez-vous pas une petite anecdote à ce sujet? Comment se sont-ils rencontrés, par exemple? Précisément. C'était il y a 2 ans, en visitant les Floralies gantoises. Ben, chut, la voilà, la Bianca, avec le capitaine. Plus un mot sur ce chapitre. Compris. Le professeur nous parlait de ces roses. Il faut avouer qu'elles sont superbes. Ravissantes. Je les disais justement au capitaine Carnac. Ah, les fleurs, je les adore. J'ai beau en avoir reçu par brassée, elles me causent toujours les mêmes enchantements. Chère madame, permettez-moi de vous offrir cette modeste Crimson Glory. En attendant mieux, je n'en dis pas plus. Oh, professeur. Quel parfum suave. Santé, capitaine. Respirez à fond. N'est-ce pas que c'est exquis? Ah! 1 000 000 de 1 000 sabots! Une guêpe! Ah, elle m'a piqué! Mon pauvre ami, comment avez-vous fait votre compte? Et pourquoi criez si fort? Vous m'avez effrayé. Attendez, je vais vous arranger ça. D'abord, enlevez l'aiguillon. Ensuite, appliquez sur la piqûre des pétales de rose croisées. Là, ça va déjà mieux, n'est-ce pas? Maintenant, messieurs, je vous laisse. Je vais me préparer pour le déjeuner. Ciao! Après le plâtre, le nez.

Ils étaient chez vous, ça par exemple. Et ils sont en route? Ils vont arriver dans quelques instants? Mais comment se fait-il que... Oui, bon, bien. Je les attends. Au revoir, commandant. Ça par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquaient à la gendarmerie de Moulinsart, ces bougres d'Ostrogo? Ah, vous voilà, Moussaillon. Eh bien, je vous laisse deviner de qui nous allons recevoir la visite. Une visite, disiez-vous? Les Dupont, je parie. Vous avez gagné. Mes pauvres, pauvres amis. Que vous est-il arrivé? Je dois avoir freiné un tout petit peu trop tard. Je dirais même plus, tu dois avoir traîné un tout petit peu trop fort. Vous n'êtes pas blessé au moins? Non, non, rien. Ne parlons plus de ça. Si vous nous voyez ici, c'est que nous avons été chargés d'une mission. Veiller à la sécurité de Madame Castafiore, qui est votre invitée, paraît-il, et de ses bijoux. Ah. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas fait votre service militaire au carabinier d'Offenbach? Tiens, bonsoir, capitaine. Au carabinier? Non, au génie. Pourquoi? Le capitaine veut dire que vous arrivez trop tard. On vient précisément de voler les bijoux de Madame Castafiore. Non. Qui? Ça, messieurs, c'est ce que l'enquête devrait établir. Mais entrez donc. Nous allons vous expliquer ce qui s'est passé. Les bijoux de la Castafiore. Quatrième épisode. Suite à une méprise du professeur Tournesol, deux journalistes du célèbre magazine Paris Flash ont annoncé un projet de mariage entre la Castafiore et le capitaine Haddock. Sur ces entrefaites, une équipe de télévision a débarqué au château pour y tourner une émission consacrée au rossignol milanais. Mais l'enregistrement a été interrompu par une mystérieuse panne d'électricité durant laquelle les bijoux de la cantatrice ont disparu. Au même moment, un photographe inconnu prenait la fuite. Chargés de veiller sur la sécurité des bijoux, les Dupont sont arrivés à Moulinsart, mais trop tard. Voilà toute l'affaire. Évidemment, tout semble accuser ce mystérieux photographe, et pourtant... Pourtant quoi? C'est le coup classique. Un complice qui coupe le courant et... Justement non. Le courant n'a pas été coupé, ce sont les fusibles qui ont fondu. Fusible coupé ou courant fondu, jeune homme, pour moi c'est la même chose. L'obscurité s'est faite et c'est exactement ce que volait le voleur. Possible. Mais il ne pouvait pas prévoir à quel moment les plombs sauteraient. Et même s'ils sauteraient jamais. Ici, c'est le hasard seul qui a joué. Je dirais même plus. Bon. Eh bien, puisque vous tenez absolument à mettre les points sur les i, je suis curieux de savoir ce que vous allez répondre à la petite question que je vais vous poser à présent, moi. Vous dites que ce sont les flons qui ont pondu. Soit, mais l'avez-vous constaté vous-même? C'est-à-dire que c'est Nestor qui me l'a dit lorsqu'il est remonté de la cave. Nestor, le domestique? Le Nestor qui a été au service des frères Loiseau. Belle référence. Vous savez bien qu'à l'époque, l'enquête a démontré qu'il avait toujours tout ignoré de l'activité de ses forbans. Et d'ailleurs, Mille Sabords, Nestor est un honnête homme, et je vous interdis de le soupçonner. Bon, nous verrons ça. En attendant, nous voudrions procéder aux interrogatoires d'usage. Bien. Voulez-vous me suivre dans la salle de marine? C'est là que l'équipe de télévision s'est installée. Faites bien attention au fil. Vu. Compris. Je vous présente les inspecteurs de police Dupont et Dupont. Que personne ne sorte. Et voici Madame Castafiore. Je vois qu'elle a repris connaissance. Voici votre mouchoir, madame. C'est vous la chanteuse, madame? Enchantée. Enchantée. Bonsoir. Madame, nous sommes ici pour faire la lumière. Toute la lumière sur le vol dont vous venez d'être la victime. Je dirais même plus. Je vous écoute, messieurs. Pour plus de clarté, madame, voulez-vous me dire où se trouvaient vos bougies? Vos bijoux. Dans ma chambre, au premier étage, enfermée dans une secrétaire. Mes bijoux! Mes beaux bijoux! Nous les retrouverons, madame. Mort au vif, mais nous les retrouverons. Soyez-en assurés. Et à propos, je suppose qu'il l'était aussi, assuré, naturellement. Hélas, non! Monsieur Lampadaire m'avait promis de venir avec sa police, mais... Sa police? Quelle police? Il a une police privée, cet individu? Dans ce cas, madame... Non, monsieur, il s'agit bien entendu d'une police d'assurance. Ah, bon, ça change tout, parce que... Eh oui, parce que... Ainsi donc, vos bijoux étaient enfermés dans un secrétaire. Bon, fermé à clé, ce secrétaire. Oui, et cette clé était cachée dans une vase. C'est là que je l'ai prise tout à l'heure, lorsque j'ai retiré la mallette du secrétaire. Mallette? De quelle mallette parlez-vous, madame? Eh bien, de la mallette qui contenait mes bijoux et que j'ai... Mais... Madame, j'y pense. Ah! Mais oui! Non, mais je me suis assise ici et... Là! Sous les coussins! Qu'est-ce que je vous disais? Regardez, les voilà mes bijoux. Et ils y sont bien tous? Mais oui. Oh, que je suis heureuse! Que je suis heureuse! C'est fou ce que je suis distraite. J'avais complètement oublié que j'étais descendue avec ma mallette lorsque ces messieurs de la télévision étaient arrivés. C'est trop drôle, non? Ah, vous devez bien rire, n'est-ce pas, monsieur? Rire, madame? Nous, madame? Vous voulez rire, madame? Nous vous saluons, madame. Je rirai même plus, madame. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'en aurais fait? Pourquoi sont-ils fâchés? Messieurs, vous oubliez vos chapeaux. Et attention au fil. Bon, ça va, merci, vous nous l'avez déjà dit. Nous ne sommes plus des enfants. Oh! Je vous avais pourtant bien dit de faire attention. Au fil, oui. Mais ceci, ce sont des câbles. C'est tout différent. Voilà réglé l'histoire des bijoux. N'empêche que la fuite de ce photographe continue à m'intriguer. Oui. Et à part ça, tout est bien qui finit bien. Et justement, capitaine, tout n'est pas fini. Je vais faire quelques pas dehors avec Milou. Il a besoin de prendre l'air. Je ne serai pas long. Bon, ça va, Moussaillon. Moi, je reste sur le pont. Quelle soirée magnifique. On dirait... Mais oui, c'est de la guitare. Oh, c'est sûrement chez les tziganes. Quelle nostalgie dans cette musique. Hélas, Milou, il faut rentrer. Viens. Quel silence dans ces bois. Pas un bruit. Pas une feuille qui remue. Rien. Oh, une chouette. Mon Dieu, est-ce qu'elle m'a effrayé? Allons, Milou. À la maison. Une semaine a passé. Oui, je sais. C'est-à-dire, oui, à cause d'un mariage. La fille de ma belle-sœur. Oui, écoutez, monsieur, je serai sur place demain matin. Ah, si, sans aucune faute. Oui, c'est promis, monsieur. C'est ça, à demain. Toi, mon bonhomme, si tu n'es pas là demain, je ne sais pas encore ce que je ferai, mille sabords, mais ça ne se passera pas comme ça. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Ah non, c'est moi qui vous l'ai dit. Quoi encore? Je les traînerai devant les tribunaux. Je les ferai condamner. C'est moi qui ai ainsi de mon frère de femme. Attention à la marche. Je sais. Voyez ce torchon. C'est une honte. C'est un scandale. C'est une infamie. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça, je vous le jure. Mais regardez donc. la diva et il papagallo. Mais qu'y a-t-il qui vous fâche? Elle n'est pas mal du tout, cette photo de vous avec Coco. Pas mal! Pas mal! C'est tout ce que vous trouvez à dire! Et d'abord, elle est horrible! Horrible? Il ne me semble pas, moi. Elle me paraît très ressemblante, au contraire. C'est ça! Prenez la défense de ces goujats, de ces malotrous, de ces roustes! C'est un comble! Et puis, il est bien question de ressemblance, c'est bien plus grave que ça! Plus grave que ça? Mais alors, de quoi s'agit-il? Il y a que cette photo a été prise ici même par un reporter du Tempo di Roma qui a réussi à pénétrer chez vous à l'insu de tout le monde, car on entre ici comme dans un moulin. Quoi? Ce photographe? Ce photographe, oui, qui a fui à la faveur de l'obscurité. Oh, c'est trop fort! Je leur avais dit à ces moufles du Tempo. Ah, vous avez osé écrire que j'ai pesé près de 100 kilos? Eh bien maintenant, plus jamais de photos, plus jamais d'interviews. Vos reporters, je ne veux plus jamais les voir. Et voilà que par une ruse machiavélique, ils sont parvenus à réaliser tout un reportage. Et tout ça, c'est votre faute. Ma faute? Parfaitement. Si vous étiez un peu exigeant vis-à-vis des gens qui déambulent ici, si vous ne receviez pas n'importe qui sous votre toit, ces scandales ne se seraient pas produits. Et vous, monsieur Wagner, j'ai des mots à vous dire. Vous voilà donc, monsieur Wagner. D'où venez-vous? Et d'abord, qui vous a permis de sortir, monsieur Wagner? Vous avez du travail, monsieur Wagner. Vos gammes, monsieur Wagner. Mais... silence! Bien, il y a du relâchement dans votre jeu, monsieur Wagner. Oui, madame. Deux fausses notes avant-hier. Dorénavant, je veux vous entendre travailler toute la journée. Bon, madame. Et vous, Irma? Avez-vous finalement retrouvé vos petits ciseaux dorés? Évidemment, non. Mais où avez-vous la tête, ma pauvre fille? Moi, madame. Oui, vous, ma fille. Et allez donc voir qui a sonné au lieu de rester planté là comme une souche. Bonjour, fillette. Salut, duchesse. Ça va toujours? Oui. Allons bon. Et votre futur aussi? Allons, tant mieux. Ah ben voilà. Je vous ai apporté un bon petit projet de police d'assurance. Mille regrets, monsieur Lampiste. Il est trop tard. Il fallait venir plus tôt, monsieur Lampiste. Allons, la blague, n'insistez hein. pas, monsieur Lampiste. J'éveille moi-même sur mes bijoux, monsieur Lampiste. Adieu, monsieur Lampiste. Mais... c'est vrai à la fin. C'est extraordinaire, chère madame. Je viens de trouver cette gazette par terre. Eh bien, devinez de qui est le magnifique portrait qui orne la couverture. Regardez. Je sais, professeur Tournedos, je sais. Et surtout, ne me dites pas que c'est ressemblant. N'est-ce pas? C'est frappant de ressemblance. Quant au perroquet, c'est bien simple, on dirait qu'il va rire. Mais attendez, il y a encore plusieurs pages à l'intérieur, voyons rire. Où est-ce? Eh bien, Norbert, c'est maintenant que vous arrivez. Il y a une heure qu'on a sonné, mon ami. Et si je n'étais pas là pour recevoir les gens, dites. Mais... les jours passent. C'est calme, c'est calme. Et un beau matin... c'est calme. Ça y est, elle a de nouveau égaré sa bimbloterie. Vous entendez? Oui, oui. Vous dérangez pas, elle les aura retrouvées dans 5 minutes. Ça, c'est quelqu'un qui a raté la marche. Vite, allons voir. Ça, par exemple. Personne. Que se passe-t-il? Ah, monsieur Wagner, je ne sais pas. J'ai entendu crier madame Castafiore, puis il y a eu le bruit d'une chute dans l'escalier. Ah, moi aussi, j'ai cru entendre quelque chose. Mais comme j'étais au pied de nous... allons voir. Que vous est-il arrivé, madame? L'émeraude du Maharaja de Gopal. On me l'a volé. Mais voyons, madame. Réfléchissez bien. Peut-être l'avez-vous simplement égaré. Non, non. J'avais posé l'écrin qui la contenait sur la coiffeuse, là. Je l'ai ouvert pour admirer les bijoux. Puis je suis allée dans la salle de bain où je suis restée un quart d'heure, peut-être. Et lorsque je suis revenue ici, l'écrin était vide. Ça alors? Voyez, l'écrin se trouve toujours là où je l'avais déposé. Bon, peut-être le bijou sera-t-il tombé à terre et... non, non, impossible. Il se trouvait dans l'écrin. Et Irma a déjà cherché. On l'a volé, je vous dis. Il faut tout de suite prévenir la police. Bon, je téléphone immédiatement. Vol ou pas vol, qui donc est tombé dans l'escalier? Ou je me trompe, ou le voleur, c'est celui qui est tombé dans l'escalier tout à l'heure. Ali? Allô? Allô? Oui, avec des, comme Démocrite. Bonjour. Quoi? Un vol? Une émeraude? Mais je... dites-moi, Madame Castafiore est-elle sûre cette fois que ce bijou a réellement été volé? Judicieuse question. Bon, eh bien, elle a de la chance. Parce que j'aime autant vous dire que si elle nous avait dérangé encore une fois pour rien, nous ne serions pas venus. Je dirais même plus. Et une demi-heure plus tard... Résumons-nous. Si le vol a été commis par quelqu'un du château, il n'y a que 6 personnes qui peuvent être suspectées. Irma, le pianiste Wagner, Nestor, le professeur Tournesol, Tintin et vous-même, évidemment, capitaine. Ah ben, dites donc, vous! Attendez. 3 de ces personnes sont à mettre hors de cause. Vous-même, qui n'avez pas pu monter les escaliers en petite voiture, Tintin, qui se trouvait près de vous, et Wagner, qui jouait du piano dans la salle de Marie. Ah, celui-là, pour ce qui est de jouer du piano. Reste donc Irma, Nestor et le professeur Tournesol. Un de ces 3-là, coupable? Vous n'êtes pas tombé sur la tête? Et pourtant, avec votre permission, nous allons les interroger séparément et en dehors de votre présence. Soit. Je vais commencer par vous envoyer Nestor. Mais vous perdez votre temps. Où je me trouvais? Au jardin, non loin du professeur Tournesol qui taillait ses rosiers. Mmh. Moi, je ratissais une allée lorsque j'ai entendu crier Madame Castafiore. À ce moment, j'ai levé les yeux vers ses fenêtres. Vous vous admettez donc que de l'endroit où vous étiez, vous pouviez apercevoir ses fenêtres? Mais oui, monsieur. Alors, comme les appels continuaient, j'ai lâché mon râteau et j'ai couru vers le château. C'est ça. Vous avez lâché votre château pour courir vers le râteau. C'est bien, je vous remercie. Voulez-vous demander au capitaine de faire entrer Irma? J'étais occupée à broder dans ma chambre. Tout à coup, j'ai entendu crier madame. Je me suis précipitée chez elle, juste à temps pour la recevoir dans mes bras, évanouie. Votre patronne nous a dit qu'elle était restée un quart d'heure dans la salle de bain. En somme, vous auriez eu l'occasion, sachant cela, de pénétrer dans sa chambre, sans faire de bruit, de vous emparer du bijou. Ou de le lancer par la fenêtre à un complice. À Nestor, par exemple. Alors, à vous. Que se passe-t-il? Brut! Brut! Brut! Madame Irma! Arrêtez! Il m'a accusé d'avoir... voler l'émeraude de madame, moi qui n'ai jamais pris une épingle à personne. C'est à moi, au contraire, qu'on a volé une paire de petits ciseaux et mon baudet en argent. Et ils osent m'accuser, ces 2 méchants hommes. C'est vrai? Vous l'avez réellement accusé? C'est-à-dire, je... un tout petit peu pour voir. Mais c'est un truc qui réussit parfois, vous savez. Bon, simple incident. Les risques du métier. Voulez-vous nous envoyer Tournesol? D'accord. Mais à votre place, j'userai d'une autre méthode. Professeur, est-il exact que Nestor se trouvait près de vous au moment où Madame Castafiore a commencé à crier? Pas du tout. Vous ne me dérangez pas le moins du monde. On m'a d'ailleurs mis au courant du vol qui vient d'être commis. J'en suis navré pour cette pauvre chère dame. Oui, bien. Mais là n'est pas la question, professeur. C'est à quoi j'ai songé tout de suite, naturellement. Et j'étais déjà arrivé à certains résultats lorsque vous m'avez fait appeler. Qu'est-ce que c'est? Bien entendu, ce n'est encore qu'une simple indication, mais voyez mon pendule. Ah! Il désigne le sud-est, c'est-à-dire... Qu'est-ce que j'apprends? Vous avez eu l'audace d'accuser Irma, mon honnête Irma! Ah! Ça ne se passera pas comme ça! S'attaquer à une faible femme. C'est-à-dire je me plaindrai à la Ligue des droits de l'homme. Et si Irma décide de me rendre son tablier après cet affront, est-ce vous qui me procurez une nouvelle bonne? Et les gages qu'une autre exigera, est-ce vous qui les paierez? Oui. Et puis, c'est bien simple. Si vous ne faites pas des excuses à Irma, je quitte immédiatement cette maison. Je vais l'annoncer au capitaine. Vous voyez toujours le sud-est. Bon. Revenons à nos boutons. Entendons-nous, n'est-ce pas? Je ne les accuse pas. Je constate simplement que mon pendule indique la direction de leur camp. Mais de quel camp parlez-vous à la fin? Ah, pardon. Là, je vous arrête. Ce sont de véritables tziganes. Je les ai vus comme je vous vois, jeune homme. Hey, pst. Dites donc, votre tournesol ne serait-il pas un peu... Non ? Il ne cesse de parler d'un camp de Romanichel. Eh bien, c'est vrai, il y a un campement de Romanichel à proximité. Mais comment c'est vrai ? Vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Les voilà, les coupables. Ça ne fait pas l'oncle d'un doute. Mais voyons, quelles preuves avez-vous ? Des preuves. Nous les trouverons. Ces gens-là sont tous des voleurs. Ah, ça ne va pas traîner. Allons, conduisez-nous à ce camp. Soit, je veux bien. Mais ce n'est pas parce que ce sont des bohémiens que vous avez le droit de les soupçonner. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'ils soient encore là. Leur coup fait, ils ont dû décarpir. Je n'en crois rien. Oh ! Et alors ? Ce camp ? Eh bien ? Ils sont partis. Et pourtant, hier soir, je les ai encore aperçus. Hein ? Qu'est-ce que je vous disais qu'ils auraient décampé ? Mais ils n'iront pas loin. Je répète. Ordre à toute brigade de gendarmerie d'intercepter une caravane de Romanichel, partie il y a quelques heures de Moulinsart pour une destination inconnue. Deux jours ont passé. L'enquête au sujet du vol commis au préjudice de Madame Castafiore se poursuit. Ah ! Les Romanichel, sur qui pèsent de graves soupçons, ont été mis sous surveillance. Dans les milieux judiciaires, toutefois, on observe la plus grande discrétion sur cette affaire qui... Les pauvres gens. Je suis pourtant persuadé qu'ils sont innocents. Mes amis... Moi aussi, j'en mettrai ma main au feu. Chers amis, une nouvelle sensationnelle. Sensationnelle. Je viens d'inventer un appareil de télévision. Eh bien, vous êtes un précurseur. En couleur, parfaitement. C'est l'autre jour, en voyant tous ces postes ici, que je me suis dit, quel dommage que ces images soient seulement en noir et blanc. Bien sûr, ils paraissent pendant qu'en Amérique... Au contraire, mais c'est comme l'œuf de Colomb. Suivez-moi bien, les images que l'on voit sur le petit écran sont donc en noir et blanc, c'est entendu. Mais au départ, je ne vous le fais pas dire. Au départ, l'image, le sujet, est en couleur. Bon, eh bien, l'appareil que j'ai mis au point les restitue, ces couleurs. Le principe, grosso modo, des filtres colorés disposés entre un appareil de télévision ordinaire et un autre écran. Je compte l'appeler le Supercolor Trifona. Mais c'est génial, ça. Si vous voulez. Mais toute modestie mise à part, je vous dis, moi, c'est génial. D'ailleurs, vous en jugerez par vous-même. Ce soir, il y a la fameuse émission 5 millions à la une. Je vous invite cordialement à y assister chez moi. Les bijoux de la Castafiore. Cinquième épisode. Alors que tout le monde croyait les bijoux de la Castafiore volés, la cantatrice s'est soudain rappelée les avoir simplement changés de place. Quelques jours plus tard, cependant, son émeraude a réellement disparu. De retour à Moulinsart, les Dupont ont interrogé scrupuleusement tous les occupants du château avant d'apprendre par le professeur Tournesol qu'un groupe de tziganes campait dans le parc. Pour eux, aucun doute, ce sont les Romanichel qui ont fait le coup. Pendant ce temps, le professeur Tournesol a mis au point un dispositif innovant de télévision en couleur. Il a invité tout le monde chez lui pour une petite démonstration. Et maintenant, mes amis, ouvrez bien vos yeux. Retenez votre souffle. Le moment est historique. Voici, chers téléspectateurs, 5 millions à la une. Notre programme de ce soir vous offre une suite brillante et variée de reportages. Sur le 21e congrès du parti Moustafiste à Thorod, la vie secrète de l'abominable homme des neiges et l'affaire du vol de l'émeraude à Moulinsart. Ça, par exemple. Quelle coïncidence. Ça tourne. Pique. Au 21e congrès... Évidemment, l'image n'est peut-être pas tout à fait nette, mais je vais la régler. Mieux, n'est-ce pas? Le son, maintenant. C'est bon, non? Non, le son. Réglez le son, Désolé, un projecteur qui aura sauté. Le temps de le réparer. Et un quart d'heure plus tard... Voilà. C'était peu de choses. Voyez brièvement les faits.